L'écrivain Daniel Laferrière renoue dès ce vendredi avec les lecteurs de la presse. Chaque vendredi, l'académicien livrera dans Dialogue ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. Un exercice baptisé hors-jeu, qu'il mènera à sa manière, en faisant en quelque sorte entrer la littérature dans le journalisme. Chronique hors-jeu, du 6 février 2026, déjà vu. C'est Malraux qui disait qu'à partir de 70 ans, on ne peut plus faire l'étonné. Aujourd'hui, j'en ai 72. Cette réflexion me concerne. Tous ceux qui en ont moins, si je comprends l'auteur de La Tentation de l'Occident, dont c'est le 50e anniversaire de la mort cette année, sont encore des touristes dans cette vie qu'il a dû quitter, lui, en 1976. Je ne parle pas de cette sensibilité particulière acquise au fil du temps qui permet la distance nécessaire pour mieux comprendre les événements qui se déroulent sous nos yeux ahuris ces jours-ci. Les choses arrivent, partent et reviennent. Parfois, je pense qu'elles n'ont pas bougé, mais plutôt que c'est nous qui ne cessons de tourner autour d'elles en quête de je ne sais quoi. J'ai vu passer dans cette courte vie 3 ou 4 fois les mêmes événements entraînant les mêmes passions populaires. Et à chaque fois, c'était, pour un grand nombre de gens, du jamais vu, l'exact contraire de déjà vu. Le problème, c'est que, pour exister, le jamais vu doit faire taire le déjà vu ou vice-versa. Et ce n'est surtout pas une question d'âge, car on entend à longueur de journée un homme de 79 ans, au plus haut sommet du pouvoir, s'exclamer à propos des moindres faits de la vie politique qu'on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et ce ne sont pas les adolescents blasés qui manquent non plus. Le temps, notre temps, s'est glissé dans l'étroit espace entre la mémoire et la perception des choses pour nous jouer des tours. Si dans le même pays et parfois dans la même famille, on se croise comme deux paquebots dans la nuit, voire quand il s'agit de pays différents et de langues étrangères. Je me souviens avoir milité à Port-au-Prince pour le créole à la sortie de mon adolescence, à l'époque où le français était déjà, selon le groupe de jeunes gens que je fréquentais, la cause principale de tous nos maux. On sait aujourd'hui que si la langue est le vrai moteur d'une société, il serait imprudent de mettre tous nos espoirs ou nos drames dans un seul panier. D'ailleurs, on devrait d'abord dissocier, s'agissant d'une langue, la condition sociale de ceux qui la parlent. Si nous parlons tous français ou créole, nous ne sommes pas forcément de mêmes conditions économiques. L'argent, ou son absence, se colle à la langue jusqu'à lui faire un accent particulier. Dans une chambre de torture, la victime et le bourreau parlent la même langue, sinon l'aveu devient impossible. De même que dans un baiser, la langue est matériellement impliquée. La langue est cette passion populaire qui se faufile dans les moindres coins de notre existence. On imagine le drame si on devait parler une langue dont on a honte. Alors, ce déjà vu, c'est le fait qu'aujourd'hui, des jeunes gens qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de mon époque évoquent dans les mêmes termes et avec la même ardeur le droit de vivre en créole. Seulement, il donne l'impression que c'est la première fois qu'on fait de telles revendications en Haïti. Pour certains, on ne devrait lire que ce qui est écrit en créole, ignorant que la langue créole est née durant la longue nuit coloniale au cours d'un viol dans la case de l'esclave impliquant sa femme et le maître. Et si ces jeunes militants ont trouvé cette langue encore vivante, c'est que des gens avant eux l'ont tenu à bout de bras, à bout de souffle. Le problème, c'est qu'on discute trop du fait de parler sa langue, sans prêter attention à ce qu'on lui fait dire. Celui qui a faim ne dit mot. Il bondit sur la nourriture quand il en trouve. Celui-là n'est jamais dans le déjà-vu. De plus, il y a la question du nationalisme qui peut éclairer comme il peut aveugler. Quand j'ai quitté Haïti en 1976, j'étais heureux d'atterrir à Montréal, une ville de langue française. Mes amis étaient plutôt inquiets que je me fasse avoir par ces colons français qui ont piétiné notre langue après nous avoir asservis. Tel était mon étonnement d'entendre au Québec le mot « colonialisme » dans le même sens que je l'employais en Haïti. J'ai tout de suite été pris d'affection pour ce pays où on devait se défendre contre l'anglais et le français de France. J'ai vite fait part à mes camarades de cette subtilité. Ils sont blancs, parlent le français et ont été colonisés d'une certaine façon. Bon, c'est plus compliqué que cela, mais ça suffisait pour faire exploser la cervelle de ce resté à Port-au-Prince qui croyait que le français ne pouvait générer que la domination. J'ai compris que l'anglais était à jamais la langue du maître, du moins à Montréal. En 1990, j'ai suivi la route empruntée par 1 million de Québécois pour la Floride, avec l'impression d'entrer dans le ventre du monstre anglophone. Dès l'aéroport de Miami, je percevais la nouvelle langue dominante, l'espagnol. Et ma femme, infirmière, a dû apprendre l'espagnol pour pouvoir travailler. J'ai compris alors que la langue en soi n'était ni le problème, ni non plus la solution, et qu'il s'agit la plupart du temps d'un face-à-face avec l'histoire et sa grande hache, comme disait Pérec. Pour revenir à Malraux, je dois dire que peu de gens m'ont fait une aussi grande impression. Par sa simple présence, permettait une si grande concentration de faits, de pensées et d'actions qu'on se sentait tout de suite aspiré dans un maelstrom qui digère tout, le passé, le présent et cette folle énergie qui tend désespérément vers l'avenir. Quand j'ai vu Malraux pour la première fois à Soissons-la-Montagne, pas loin de Pétionville, il conversait avec des peintres paysans que Tiga avait réunis sous le nom de Saint-Soleil. Malraux parlait français et les peintres s'exprimaient en créole. Tiga voulait intervenir pour traduire et Malraux de dire qu'il comprenait très bien. C'est qu'il parlait une autre langue, celle des voleurs de feu. Il s'était si bien compris que, rentré en France, Malraux a arraché de son manuscrit de l'Intemporel, son dernier livre, les 60 pages sur Goya, son Goya adoré, pour les remplacer par une évocation illuminée des peintres de Saint-Soleil. Malraux ne les avait pas trahis. À la mort de Malraux, Jean-Marie Drault, son vieil ami, avec qui il a fait tant de documentaires sur l'art primitif, a filmé les peintres de Saint-Soleil descendant des collines environnantes avec chacun un tableau tenu au-dessus de sa tête en hommage au vieux chaman, comme il disait, du jamais vu.